Une grosse caisse qui martèle les temps, un char électrique qui siffle au vent, des synthés qui se la jouent sans relâche, des cuivres qui se fâchent. Tu repasses sur ton électrophone, les vieux disques d'un baril de sérum. Tu revois Bonnie M qui déboule en jouant ta ricoule. C'est le disco qui insiste pour un nouveau tour de piste. C'est le disco qui balance pour un nouveau tour de danse. Tu sors une chemise de satin blanc, col ouvert sur une chaîne en argent, les patefs, des pompes en trop court, la veste fluo. Te voilà, ça pique comme une star, tu te plantes devant le miroir, un déhanchement à la Travolta, tu lèves le bras. C'est le disco qui insiste pour un nouveau tour de piste. C'est le disco qui s'entraîne pour un nouveau tour de scène. Qu'est-ce qui martèle les temps, le charlet qui te siffle au tympan, les synthés qui emplissent l'espace, tout est bien en place. Ferme les yeux, sentez la chaleur, c'est la Saturday Night Fever. Dans ta tête, mille éclats de lumière, me voilà hier. C'est le disco qui insiste pour un nouveau tour de piste. C'est le disco qui balance pour un nouveau tour de danse. C'est le disco qui insiste pour un nouveau tour de piste. C'est le disco qui s'éclate pour un nouveau tour en boîte.